jamais le tarot de la salle. Au cas où c'est pas, ça marche pas. J'ai dépassé son cap de certificat. Je sais pas qu'ils attendent pour me valider. Violence policière, on connaît ça. Car on augmente le taux de criminalité. Ce que j'ai dit, c'est réel. Je vais pas rapper sans pige pour être validé. Je veux pas te prendre dans mes bras. J'ai trop de couteaux dans le dos. Pétard, frappe-toi. J'ai pas le temps de te casser le dos. Pas te prendre dans mes bras. J'ai trop de couteaux dans le dos. Pétard, frappe-toi. J'ai pas le temps de te casser le dos. Je t'emmène toute la nuit. Cherche-moi un air toute la nuit. Je t'emmène toute la nuit. Cherche-moi un air toute la nuit. Je t'emmène toute la nuit. Cherche-moi un air toute la nuit. Je t'emmène toute la nuit. Cherche-moi un air toute la nuit. Je cherche monnaie toute ma vie. La routine, je suis fané. Je veux qu'il y a du terrain comme Rod Fanny. Être la bonne boy qui fait planer. Qui je tasse à le fané. Fais des bagages, on va se barrer. Je souris pas, j'ai des poteaux derrière les barreaux. Si tu connais du terrain, j'nouf. T'as plus 18 ans, t'es qu'un putain de chouf. Si tu connais du terrain, j'nouf. T'as plus 18 ans, t'es qu'un putain de chouf. Être la bonne boy qui fait planer. Qui je tasse à le fané. Fais des bagages, on va se barrer. Je souris pas, j'ai des poteaux derrière les barreaux. Je veux pas te prendre dans mes bras. J'ai trop de couteaux dans le dos. Pétasse, rabis-toi. J'ai pas le temps de te cacher le dos. Je veux pas te prendre dans mes bras. J'ai trop de couteaux dans le dos. Pétasse, rabis-toi. J'ai pas le temps de te casser le dos. Je t'emmène toute la nuit. Cherche-moi un aide toute la nuit. Je t'emmène toute la nuit. Cherche-moi un aide toute la nuit. Je t'emmène toute la nuit. Cherche-moi un aide toute la nuit. Je t'emmène toute la nuit. Cherche-moi un aide toute la nuit.